passé, puis du prochain. Tu es des poussières, tu finiras poussière. Ton âme ira-t-elle au paradis ou en enfer? L'échappatoire de toute une existence, tout un destin. Alimente les souvenirs du passé, puis du prochain. Tu es des poussières, tu finiras poussière. Ton âme ira-t-elle au paradis ou en enfer? La mort touche, couche, sans même prévenir ses louches. Elle passe par la vieillesse, coup de couteau ou coup de cartouche. Elle ne prévient personne, s'empare de n'importe quelle personne. C'est ton heure qui sonne, tu paieras de ta personne. Tu ne peux y échapper, y'a aucun échappatoire. Rare est la médecine qui t'empêchera de finir dans le noir. J'ai perdu des frères, j'ai même perdu des matelots. J'ai beau pleurer de tout mon cœur, ils ne redescendront pas de là-haut. À lui, non pas lui, ce n'est pas possible. C'était un innocent, y'a pas d'innocent. Tout le monde est pris comme cible pour dire qu'elle frappe aussi bien l'homme proche que l'homme mythique. Mais paraît-il qu'au-delà de la mort, tout est si fantastique. Alors message à toutes les mères qui ont perdu leur fils. Leur âme repose en paix, qu'elles arrêtent d'être tristes. Après la vie y'a la mort, après la mort y'a quoi? Après ta mort y'a des gens qui pleurent et d'autres qui crient. Toi, qui se noient, ne rit jamais du malheur d'autrui. Ce qui arrive à l'un peut arriver à toi aujourd'hui. Cesse de t'acharner sur le sort du défunt. Toute chose a une fin, mais la mort en soi n'est pas une fin.